de radio qui soutiennent la grève. Vous voulez dire pourquoi le collège Bernard est en colère, comme c'est marqué sur la banderole ? Ben, je trouve que Bernard, il est en colère à cause de la réforme des retraites, comme tout le monde, mais là, il est en colère depuis plusieurs années parce qu'on a de moins en moins de personnel dans le collège et de moins en moins de personnel encadrant, de surveillants, par exemple. On a 29 élèves par classe, de plus en plus, et de moins en moins d'adultes. C'est pour ça qu'on est en colère depuis quelques années, et on ressort toujours la même banderole, pour la même colère qui ne fait que s'aggraver. Vous êtes prof ou vous êtes encadrant ? Prof. Moi, je suis prof, et madame est CPE. On s'est battu pour l'avoir, il y a quelques années, mais depuis, on perd des surveillants, des heures de surveillants tous les ans. Et aujourd'hui, elle manifeste avec vous ? Ah ben oui, régulièrement. Comme depuis plusieurs années, d'ailleurs. Vous voulez me laisser vos prénoms ? Nicole. Béatrice. Merci Nicole, Béatrice, et bonne manif. Merci. Et puis j'espère que la colère pourra s'éteindre un jour.